Petrouchka, Petrouchka, Petrouchka, Petrouchka, Petrouchka, Petrouchka, oh, il n'y a que toi, Petrouchka, Petrouchka. Elle-même, elle me le dit pas. Petrouchka, Petrouchka, non, il n'y a que toi. Petrouchka, Petrouchka, tu m'aimes et tu me le dis pas. Petrouchka, Petrouchka, moi, il n'y a que toi. Petrouchka, Petrouchka, je t'aime et moi je te le dis, mais toi tu me le dis pas. Petrouchka, Petrouchka, t'es là où tu ne l'es pas. Petrouchka, Petrouchka, tu me veux et tu ne le dis pas. Petrouchka, Petrouchka, moi, je ne suis là que pour toi. Petrouchka, Petrouchka, pourquoi tu ne veux pas le dire que tu me veux comme ça ou quoi? Moi, je suis quoi pour toi? Petrouchka, Petrouchka, et qu'est-ce que tu fais là-bas, toute seule alors que moi aussi je suis seule là? Petrouchka, Petrouchka, qu'est-ce que tu fais, tu me le dis pas? Petrouchka, Petrouchka, moi tu sais qu'il n'y a que toi. Petrouchka, Petrouchka, qu'est-ce que tu fais, où es-tu, mais qu'est-ce que tu fais, mais pourquoi tu me le dis pas? Que tu me veux, que tu me veux pas, mais réveille, réveille-toi. Petrouchka, Petrouchka, je t'aime, tu le sais qu'il n'y a que toi. Petrouchka, Petrouchka, pourquoi tu me le dis pas? Petrouchka, Petrouchka, tu m'aimes et tu me le dis pas. Petrouchka, Petrouchka, moi tu sais qu'il n'y a que toi. Petrouchka, Petrouchka, tu sais, je suis allé voir hier, mais non, ça n'a pas marché, tu vois. Ça n'a pas marché, tu vois. Puisque tu n'es là dans ma tête, tu sais, tu es là que je suis, je pense, qu'à toi. Petrouchka, Petrouchka, pourquoi? J'ai même essayé de payer des femmes de joie, mais tu sais, ça ne marche pas. Non, ce n'est pas comme avec toi. Oh non, ce n'est pas comme avec toi. Petrouchka, Petrouchka, ça n'a rien à voir par rapport à toi. Petrouchka.